des souris, un blaireau et des légumes. Vivre en semi-autarcie, tout un programme. Nous sommes d'insatiables curieux. Nous avons envie de tout essayer, tout apprendre à la fois. Notre pain, nos fromages, nos saucissons, nos légumes, nos conserves, nos épices. À notre arrivée, un gros plant de rhubarbe nous accueille devant la porte de la cuisine. Un lilas violet de l'autre côté de la maison sera remplacé plus tard par du millepertuis. Un mélèze plus haut sur le talus nous fera parfois le cadeau de quelques jolis bolets symbiotes que nous mettrons à sécher pour agrémenter nos omelettes. De l'autre côté de la rue, une immense haie de groseilles à grappes regorge de fruits. Tant que le chalet qu'elle protège est inoccupé, je me sers sans vergogne. J'en fais des sirops et des gelées. Bien plus tard, nous planterons un sureau noir. J'apprendrai à élaborer un sirop pétillant avec ses fleurs pour l'été et un autre très efficace contre la toux avec ses baies. Même si Jean-Paul en sait un bout sur les choses de la nature, puisqu'il est petit-fils de paysan et jardinier pépiniériste de métier, en plus d'être éducateur, nous ne sommes pas fermiers pour autant. Cependant, nous sommes très conscients de la masse de travail qu'un potager représente. En ce qui me concerne, toute cette belle nature, fruits, légumes et condiments, ne commence à m'intéresser réellement qu'une fois déposée sur mon plan de travail. Si je suis capable de travailler 12 heures, voire plus, d'affilée devant mes fourneaux, il me suffit hélas d'un quart d'heure à peine penché sur notre bonne mère Gaïa pour que mes lombaires déclarent forfait. Dès lors, c'est Jeannot qui se colle, seul comme un chien, dit-il, au potager. Tellement sexy avec son chapeau en feutre et ses grandes bottes noires que, me sentant soudain très proche de Constance Chatterley, j'ai de la peine à le laisser tranquille. Il commence par se battre contre les prédateurs. Je ne parle pas d'ours, bien sûr, ni de loup, qu'on vient pourtant de réintroduire en Suisse, encore moins de requins, comme ceux qui nagent en sphère économico-politique, mais de souris. J'en observe rapidement les dégâts car j'ai commis l'imprudence de laisser à la cave des paquets de sucre et de céréales sans protection. Mal m'en a pris, elles ont tout dévasté, les coquines. Nous devons nous procurer très vite des pièges efficaces, ceux-là même sur lesquels on place un petit bout de fromage et qui font un sinistre clic quand ils se referment sur leur victime. Je sais bien qu'elles étaient ici avant nous et je me sens moche de les cantonner dehors, les condamnant en plein hiver à une mort certaine. Mais lorsque j'en vois une traverser le salon juste devant mes pieds, et pire, que je sens une autre trottiner sur mon bras alors que je suis tranquillement assis sur notre canapé, je me décide à intervenir. Adieu les souris. Pour ce qui est des fouines, petites bêtes joueuses qui mènent grand bal sur nos têtes, renseignement pris, elles détestent l'ail et la naphtaline. Nous mettrons de l'ail partout. J'ai horreur de l'odeur de naphtaline. Ça fonctionne coussi coussa, mais tant pis. Quelque temps plus tard, le simple fait que nous déménagions notre lit à l'atelier et toutes nos odeurs avec rendent les lieux infréquentables pour elles. Adieu les fouines. Au mois de mai, il est temps de planter. Jean-Paul, muni de ses instruments, pelle, pioche, huile de coude, salive et courage, dans le désordre, ouvre le potager. Or, voilà le blaireau qui se profile à l'horizon. Celui-là va venir raqueter nos salades, c'est sûr. Comment faire? Comme lui, pardi, qui arrose son territoire pour laisser sa carte de visite. À armes égales, l'homme y va, matin et soir, malgré le froid crispant. Bien au chaud sous la couette, je me dis qu'il y a certains avantages, pour ne pas dire des avantages certains, à être une femme en ce bas monde. Après quelques arrosages bien ciblés, les limites semblent être établies. Exit le blaireau ? L'avenir nous le confirmera au moment des récoltes. Cette année-là, Jean-Paul plante des pommes de terre, bute les pommes de terre et à l'automne, j'aiderai, pendant un très grand quart d'heure, à récolter les pommes de terre. Il plante aussi des radis et de la salade à tondre dont il cueillera les feuilles à mesure, sans presque jamais toucher le cœur, afin d'en avoir le plus longtemps possible. Il fait un purin d'ortie et met en place un compost. Il utilise de l'antilimace, ce qu'il regrettera par la suite. Il dira qu'il aurait mieux valu poser tout simplement des planches entre les carrés. Les limaces seraient venues dessous et il aurait suffi ensuite de les transporter à l'autre bout du champ pour en être débarrassé. Notre jardinier plante encore des choux de Bruxelles, des côtes de bête, des choux-fleurs et des kohlrabes. Quelques scaroles pour faire bonne mesure. L'année prochaine poussera un immense plant de mauve, avec ses feuilles, des feuilles d'ortie et de bistorte, du lard, des œufs et un oignon, nous ferons un excellent pâté. Jeannot sèmera également des échinacées, souveraines pour stimuler le système immunitaire. Nous espérons ainsi être mieux armés contre les refroidissements. De fait, en 5 ans, à 1400 mètres d'altitude, nous n'avons jamais eu de rhume ni de grippe. Pour l'heure, il rajoute des soucis, dont je me servirai des fleurs pour faire des lotions ou des pommades pour la peau. L'été, tous nos balcons et rebords de fenêtres sont décorés de fleurs de capucine explosant de couleurs. Cet automne, quand leurs fruits seront mûrs, je les cueillerai et les conserverai en saumure. Ils joueront le beau rôle de capre dans la langue de bœuf en sauce. En période de récolte, pratiquement pas un jour ne se passe sans qu'Henriette m'offre les surplus de son potager, que dédaignent les membres de sa propre famille. En conséquence, il arrive souvent que je me retrouve devant une tonne de laitue romaine à braiser, de tomates à faire en coulis, de carottes à mettre en conserve, de prunes, de coings à cuire en gelée ou à transformer en ces délicieuses pâtes dont mon papa raffole. Sans oublier le persil, la ciboulette, les oignons et la livèche à conditionner. Je n'aime pas laisser perdre, et je me passionne rapidement pour ce jeu qui consiste à tirer le meilleur parti possible de tout ce qui passe à ma portée, végétal, animal ou humain. Je me sens de plus en plus en sécurité à mesure que les étagères et les congélateurs se garnissent. Pour l'heure, les enfants suivent d'un œil attentif tous ces travaux destinés à faire germer en eux l'attrait de la nature. Nous les faisons participer autant que faire se peut, ne perdant jamais une occasion de leur apprendre quelque chose. Hélas, l'état de santé de Jean-Paul ne lui permettra pas de continuer ses efforts au-delà de 3 ans, et nos chérubins oublieront vite ses leçons essentielles. Nous gardons tout de même l'espoir qu'un jour, au cœur des ravages de la mondialisation, ils sauront déterrer les souvenirs de leurs premières années et réinventer leur vie. Peut-être que, comme nous, ils trouveront leur salut dans les plantes et la vie en autarcie. En attendant, je savoure pleinement cette période de notre existence où les fruits de notre travail se concrétisent au quotidien. Parfois, nous avons la chance de voir Maman Renard passer derrière la vitre à la nuit tombée, récupérer pour ses petits la grosse boule de sein doux enrobée de graines que nous plaçons pour les oiseaux dans leur mangeoire. C'est une belle femelle débordante de santé et très courageuse. Est-ce que c'est elle qui a traversé la route devant nous, suivie de sa petite tribu, la nuit de la naissance de Thomas? Ça se pourrait bien, leur territoire est tellement étendu.